mirage d'une évasion, d'une douce tentation qui s'invente une saison sans mur et sans maison. Mi fugue, mi raison, entre pâleur et passion, entre flou et impression, une photo sans horizon, mais qui peut faire une chanson. Mi fugue, mi raison, une musique, une émotion, souvenir d'une illusion, la chaleur d'un frisson sur ma peau quand nous nous aimions. Mi fugue, mi raison, je n'ai pas marqué la liaison qui nous relie, nous qui n'avions pas remarqué que nous étions dans une bien étrange prison. Inoculer un doux poison, vibrer de toi l'unisson, tremblement de nos effusions, des élans que nous refusions. Mi raison, le temps n'est pas aux décisions, mais une sage décision fera naître une autre vision, dénuée de toute oppression. D'une évasion, d'une douce tentation qui s'invente une saison.